boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. No man ever seen the face of his founder. He ain't made of flesh and bone. He's the one who sits up close beside you, girl, and when he's there, you are alone. Every man is evil, yes, and every man's a liar. Unashamed with a wicked tongue, singing the black soul choir. Every man is evil, yeah, every man's a liar. Unashamed with the wicked tongues, the black soul choir. Holy Razmawi. No man ever seen the face of the Lord, no, not since he left his skin. He's the one you keep cold on the outside, for he's at your door, let him in. 'Cause every man is evil, yes, and every man a liar. On the same with a wicked tongue singing the black soul choir. Every man is evil, yes, and every man a liar. Oh, no shame with the wicked tongues, the black soul choir. Oh, hold your eyes, my Cottonmouth, quick across the water, child. She gave me her hand, Phyllis Ann. Stars shine on the face of your daughter. To the doubtful, he will show his hand. For me, she painted two pictures, one of wood and one of wire. I am strong, I am weak, yeah, just draw for the fire. My love, she sings of a broken door handle. My love, she crows like a log child. I call out in an old time holler, yeah. For I'm afraid of your dark. I will forgive your wrongs. He makes me able. For my own, I feel great shame. Yes, I would offer up a brick to the back of your head, boy, if I was Cain. Every man is evil, yes, and every man a liar. Unashamed of the wicked tongue, singing the black soul fire. Every man is evil, yes, and every man a liar. Unashamed of the wicked tongues, the black soul choir. Oh, that's my way. Ce soir, je me fais plaisir, pas de recherche de nouveaux groupes ni de sons différents, juste envie de partager l'énergie de ma bibliothèque musicale. Alors après le 16 Horsepower du David Eugene Edwards, voilà qu'arrive une des deux cervelles des Black Angels. Alex Mas vous offre son Keep Your Balance. Et ouais, c'est ça Pop and Rock sur RVR. Merci la voix off. Thank you. David Eugène Edwards, suivi de Alex Mas. Ce soir dans Pop and Rock au 104.6, on fait dans le classique, dans le bon, dans le fort, dans l'estampillé. Alors, pour être sûr de ne pas décevoir, voilà Alice in Chains, mais pas celui du faible William Duval. Ce soir, c'est le défunt Layne Staley qui chante et qui mène Alice in Chains. Pour la petite info, ça chante avec Creed. On écoute Down. Quel talent! Merci la voix off. Bah écoutez, ok, ce soir je ne me suis pas cassé la tête puisque j'ai pris ma bibliothèque musicale dans l'ordre alphabétique. Et vous l'avez compris, nous sommes donc envahis par les A mais majuscules. Et dans cette rubrique, voici les grands bretons qui ne feront jamais l'union. Halt G qui nous chante Left Hand Free. Ain't shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, any, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Is gone. Oh, oh, oh. Un pop and rock, il est gonflé le programmateur. Après le A, le B ? Mais pas du tout, voix off. Il reste de la cam à écouler dans les A majuscules, notamment les Français de Animal Triste qu'il faut absolument que je voie en live. Thank you. Dernier A du soir, de vieux habitués de Pop and Rock sur RVR, habitués mais peu programmés ces dernières semaines. Alors on se rattrape, voici les Arctic Monkeys, mais surtout pas avec leur dernier album Soup. On écoute Are You Mine, Arctic Monkeys. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. Majuscules comme Bauhaus, Billy Idol, Blondie et l'incontournable Bob Mould. Voici la cuisine rock de ce soir. Garden of dark delights, 16 pigeons. avez bien suivi, vous savez que c'est l'étranger intemporel Billy Idol qui arrive pour vous cracher Rebel Yell. Mais en quasi acoustique, enfin, un acoustique façon Billy Idol. Profitez. I think it's it's another one of the best songs we do. Last night a little dancer, she came a dancing to my door. Last night that little angel, she came pumping on the floor. She said, come on baby, you got a license for love. And if it expires, I pray help from above. Because in the midnight hour, she cut set you free and brought you to me, babe. What could set you free and leave you here by me? Because in a midnight hour, she come more, more, more. With a rebel, yeah. More, more, more. Yow! In the midnight hour, babe. Have you here by me? Because in a midnight hour, she comes. à peu près à la même époque que Billy Idol, la rockeuse Deborah Harry s'en remettait au producteur Giorgio Moroder pour chanter Call Me avec Blondie. Je suis sûr que des souvenirs vont vous revenir. Du rock, pas de doute, vous êtes au bon endroit au 104.6 dans Pop and Rock sur RVR. Et ouais, merci la voix off. You can't touch me now. soir, ma bibliothèque musicale nous promène entre les 20e et 21e siècles. Certaines générales qui arrivent, c'était plutôt la fin du 20e siècle. Peut-être vous rappelez-vous de ce fantastique titre, Lose Myself, Certain General. Les années 90 ont été marquées par le rock grunge que nous avons tous beaucoup écouté, rappelez-vous des Used Your Due et surtout Nirvana, mais ce fut aussi le berceau de groupes comme le Brian Johnston Massacre ou encore leur cousin, les Dandy Warhols. get a knot, like a ball in a chain. All I wanna do is get off. Notre culture musicale peut avoir diverses origines. Musique entendue chez des potes, la radio ou encore le cinéma. Pour le Dick Dale qui arrive, c'est au Tarantino qu'il faut remonter pour connaître la source. Dick Dale, ça ne vous dit rien ? Mais bien sûr que si. Nous voilà donc rendus après les Dandy Warhols et Dick Dale à la lettre D. Et à cette lettre, j'ai découvert cette année un groupe français, Dry Can. Si vous ne les connaissez pas, tendez bien l'oreille car voici Dry Can et son Sceptical. L'heure de se quitter est imminente, on va faire donc dans du classique. Je vous propose d'écouter ou de réécouter Evanescence, mais pas avec une de leurs chansons, avec une reprise d'un groupe que vous connaissez peut-être, les Smashing Pumpkins. N'oubliez pas, on se retrouve donc sur la page Facebook de Pop'n Rock, les petits enfants du rock, et lundi prochain à 17h au 104.6 de RVR. Et en attendant, je vous dis bis à tous. Before you continue, how many chicks are out there? I want to thank everybody out there for having us. I am the only chick of today in all the bands. Thank you. Come on, girls, let's get more of us up here, seriously! Just like me. Et oh, c'est maintenant qu'il faut dire et bis à tous. Très drôle la voix off. Allez, bye bye.